22e chapitre. La fontenelle et Kyliec. Un mois environ après ces événements, vers 2 heures de l'après-midi, deux cavaliers chevauchaient à quelques pas l'un de l'autre dans un chemin creux recouvert en dôme par les branches de vieux chênes qui laissaient à peine filtrer les rayons du soleil à travers leur feuillage, tant leurs rameaux étaient touffus et entrelacés. Celui qui marchait le premier et que l'on pouvait facilement reconnaître pour un homme de guerre et un gentilhomme montait un puissant cheval noir à l'allure vive et fière. C'était un grand jeune homme blond, aux membres robustes, à la figure noble et intelligente, au regard vif et étincelant, à la tournure imposante et martiale. Quant au second, qui était de petite taille mais extrêmement replet, il portait le costume des soldats de l'époque et paraissait doué d'une force herculéenne. Une expression de cruauté se peignait sur sa farouche physionomie. L'un était la Fontenelle, l'autre Maître Kyliec, l'ancien hôtelier de Brest. Tous deux venaient de l'île Tristan et se dirigeaient vers Beaumanoir Eder. La Fontenelle désormais était forcée de vivre en honnête homme. Le sentier de l'honneur qu'il avait abandonné lui était encore ouvert. C'était donc à lui à ne plus s'en écarter. Malheureusement, rien ne pouvait effacer son passé, car il était entaché de sang. Mais ce qui tuait et énervait le plus son organisation cruelle et puissante, c'était la paix qui, ramenant avec elle la tranquillité dans le pays, l'avait contrainte à la vie oisive. Aussi l'ennui qui marque tout de sa griffe de fer avait-il laissé sa trace ineffaçable sur son front soucieux. C'est qu'après avoir reçu des lettres d'abolition, il s'était vu forcé de congédier une grande partie de sa garnison et de ne conserver avec lui que le nombre d'hommes nécessaires à la garde de son fort. Cette séparation lui avait porté un coup terrible, car en faisant ses adieux à ses féroces compagnons, et en voyant couler leurs larmes, il avait compris que sa puissance était à jamais anéantie et qu'il n'était plus rien en Bretagne. Alors il pleura aussi et laissa tomber ses pleurs brûlants sur le brevet qu'il élevait au rang de capitaine de 50 hommes. Dans son désespoir, il fut sur le point de déchirer cet écrit avec les lettres de grâce du roi. Mais après réflexion, il s'arrêta en songeant que peut-être celui-ci, victime de sa bouillante audace, serait tué sur quelque champ de bataille et qu'après cette mort, lui, Guy Eder, pourrait bien encore reconquérir son prestige d'autrefois. Voulant apporter quelque soulagement à sa tristesse, il prit la résolution d'aller voir son frère et de faire sa paix avec lui. C'est pourquoi, après avoir remis le commandement de son fort à De Romard et à La Boule, ses deux premiers lieutenants, il était parti accompagné seulement de Kyliec. « Oui, Kyliec, » disait-il à l'ancien tavernier après l'avoir invité à rapprocher son cheval du sien. « Je le sens, j'ai bien fait de prendre la résolution de venir voir Amaury, et tu ne saurais croire quel plaisir j'éprouve en portant mes regards sur tous les lieux où nous passons, car il me rappelle les promenades que je faisais alors dans les environs avec mon frère. Jamais ces souvenirs ne sortiront de ma pensée, et il me sera impossible d'oublier tous les soins dont il a entouré mon enfance. Je ne regrette qu'une chose, c'est de lui avoir fait verser tant de larmes. Cependant, malgré le trouble que je ressens en pensant que tout à l'heure je vais être en sa présence, d'un autre côté, je tressaille de bonheur à l'idée que je pourrais bientôt le presser dans mes bras. Je vais solliciter son pardon, et j'y tiens bien autrement qu'à celui de notre roi Huguenot. « Votre frère vous pardonnera, soyez-en sûr, capitaine, » répliqua Kyliec, « et j'espère aussi qu'il daignera oublier mes torts passés en ma qualité d'ancien serviteur de sa noble maison. Si tu fus coupable envers mon frère, la faute ne peut être imputée qu'à moi seul, qui te détournais de tes devoirs en t'entraînant à ma suite dans les premières courses que je fis aux environs de Quintin. Hélas, c'est l'exacte vérité. Je crois même pouvoir affirmer que sans vous, jamais je n'eusse pris le goût du pillage, et qu'à l'heure qu'il est, parfaitement heureux et dénué d'ambition, je serais encore au service du baron de Beaumanoir. M'en voudrais-tu donc, Kyliec, de t'avoir arraché à la domesticité pour t'initier au beau métier de soldat et de partisan? Non, certes, monseigneur, car quoique bien heureux avec votre frère, je serai maintenant sans le sou, au lieu que, grâce à vous, je me trouve à la tête d'une petite fortune et à l'abri du besoin. Tant mieux, mon ami, rien ne me fait plaisir comme de voir mes soldats prospérer. Le plus grand malheur qui nous soit arrivé et que nous ne saurions trop déplorer, c'est la venue du roi en Bretagne. Sans la pacification, j'aurais continué encore longtemps à dominer ce pays et je t'eusse fait bien riche, Kiliek, toi ainsi que mes autres fidèles compagnons. Je n'en ai jamais douté, capitaine, mais que voulez-vous ? Il faut savoir se résigner et accepter les arrêts du destin, puisque nous ne pouvons commander aux événements. Si le roi vous a empêché de régner en souverain sur ce pays, Sourdéac m'a contraint de quitter Brest, et a été cause que je n'ai pu achever la fortune que j'y avais si bien commencée. À propos de ce gouverneur dont tu me parles, ne serait-il pas plaisant, à présent que je suis officier au service du Béarnais, de me voir à mon tour aller à Brest lui rendre ma visite ? Il y aurait à cela une bien grande imprudence. Et laquelle, Kiliek ? Que sait-on ? Sourdéac, oubliant peut-être que vous avez reçu des lettres de grâce, et ne consultant que sa haine, profiterait de l'occasion qui lui serait offerte pour se venger de la mort de son lieutenant Tréfilis et des deux échecs qu'il a essuyés devant l'île Tristan. Et après ? Après, capitaine, il vous ferait suspendre à quelque bonne potence, ou bien encore vous jetterait dans les terribles oubliettes de son château, où le roi vous laisserait sans doute pourrir jusqu'à la fin de votre vie, sans jamais vous réclamer au gouverneur de Brest. D'ailleurs, Sourdéac est en faveur, tout ce qu'il fait est bien fait, et cela est si vrai que, malgré ses insuccès militaires, il vient d'être comblé d'honneur et nommé marquis d'Ouessant. Alors, d'après toi, il y aurait un véritable danger à effectuer ce voyage ? En cette occasion, seigneur capitaine, je parle comme je le pense. Et tu raisonnes à merveille, Kiliek. Aussi, sois persuadé que je ne serais pas assez fou pour aller à Brest où je n'ai nulle affaire. Jadis, je l'avoue, j'ai eu l'intention de m'en emparer. Mais j'ai dû renoncer à cette entreprise à cause de sa nombreuse garnison. Vous avez agi en sage en renonçant à attaquer cette redoutable forteresse. Et moi, tant que je vivrai, je regretterai toujours de n'avoir pas tué son gouverneur à la place du capitaine Magence, que je ne connaissais pas et qui ne m'avait jamais fait de mal. En effet, cela eût mieux valu. Mais que veux-tu, mon ami ? Il ne nous est pas donné sur les champs de bataille de rencontrer l'ennemi que nous désirons frapper. Moi-même, pourquoi, au lieu de Tréfilis, n'ai-je pas immolé à ma fureur ce traître de Dugranec ? Et le capitaine Leclou, celui-là vous a aussi échappé ? Leclou ! S'écria la Fontenelle en changeant tout à coup de visage. « Oh, ne prononce jamais ce nom à mon oreille, car en me rappelant ma captivité, il me fait songer à l'énorme rançon que j'ai été forcé de payer pour sauver ma tête et à mes deux défaites de Quimper. En échouant dans ces expéditions, j'ai manqué le double but que je voulais atteindre. D'abord, j'avais juré de me faire rembourser par les Quimperois la somme que j'avais comptée à Monsieur de Saint-Luc. Puis, je pensais à pouvoir saisir ce traître de Leclou et en tirer une vengeance éclatante. » En achevant ces mots, sa physionomie se contracta, comme cela lui arrivait presque toujours quand il était sous le coup de la colère ou de quelque vive contrariété. Il murmura quelques paroles sans suite que Kiliek ne put comprendre. L'hôtelier n'entendit que trois mots sortir distinctement de sa bouche. Ce furent ceux de Leclou, de Dugranec et de Quimper.